Le journal coréen de Dong Sinmun a inséré le 17 octobre un éditorial titré « Parachevons l'œuvre révolutionnaire du Tse, inaugurée par l'Union pour abattre l'impérialisme, à l'occasion du 90e anniversaire de la fondation de l'Union pour abattre l'impérialisme ». Il y est écrit « Le 17 octobre de l'an 15 du Tse 1926, le président Kim Il-sung a constitué l'Union pour abattre l'impérialisme. C'était un événement historique qui a contribué au façonnage du destin de notre peuple et à l'œuvre d'émancipation de l'humanité. Depuis lors, les racines du glorieux Parti du Travail de Corée et de la révolution du Tse ont commencé à se développer. L'œuvre révolutionnaire du Tse, inaugurée par l'Union pour abattre l'impérialisme, continue à merveille grâce aux respectés camarades Kim Jong-un.